moi faire mon bif. On parle après. J'suis dans les îles et dans la presse. Trop peu là, j'dois faire du chiffre. On parle après. Trop impulsif, trop la détente, on la presse. Car j'en ai plus rien à foutre. C'était le rap ou le foot. Et toi, sûrement, t'avais des doutes. Mais bon, j'en ai plus rien à foutre. Ici, on rigole pas, j'ai rien à faire dans le patch. À la main, tu veux le bras. Après, tu coupes pour qu'on te braque. Quand t'es bien, on t'embrasse. T'es mal qui te tend le bras. J'suis dans des affaires qui tournent mal. Elle était là pour moi ou juste par intérêt. À redescend sur terre, poteau raterri. Le cauchemar entre en jeu, il balaye tes rêves. J'suis gamberge en cellule, fallait réfléchir. J'te raconte la vie, j'embarque sur le navire. Le fond sur le tapis, le regard se noie dans le vide. Elle glisse dans le mille et la liasse s'empile. J'fais le tour de ma ville et puis j'rentre dormir. J'suis dans les îles et dans la presse. J't'éclate un pet et j'décompresse. Apprends la vie avant la thèse. Apprends le fair play avant de perdre. Laisse-moi faire mon bif, on parle après. J'suis dans les îles et dans la presse. Là je dois faire du chiffre. On parle après. Trop impulsif. Trop la détente, on la presse. Car j'en ai plus rien à foutre. C'était le rap ou le foot. Et toi sur moi t'avais des doutes. Mais bon j'en ai plus rien à foutre. Eh, on parle après. Eh viens me voir si tu parles d'affaires. J'suis dans le refou, y'a les flammes de l'enfer. Et quand je vois la foule, j'vois les larmes de ma mère. Toujours dans la même merde, des merdes. J't'avoue qu'au fond y'a de la pégueule couleur aux mères. Eh, j'suis mal, poteau à bout de nerfs. J'pourrais rester droit et pas parler pendant des heures. Et dans le bloc pendant plus de 10 heures. Et là j'me sens bizarre. C'est peut-être la fin de l'épisode. Et pas la fin de l'histoire. Eh, ils veulent me distraire. Moi j'suis pas la star, mais je laisse la mise faire. J'suis à bout, j'en ai marre. Les putes deviennent des terres. Laisse-moi faire mon bif. On parle après. J'suis dans les îles.